Honoré Beaugrand, la chasse-galerie. Pour l'heure que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire dans le fin fil. Mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat. Car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge, dans les chantiers des Rosses en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâtes et des glissantes pour le repas du lendemain. La mélasse mijotait dans le grand chaudron pour la partie de tir qui devait terminer la soirée. Chacun avait bourré sa pipe de bon tabac canadien, et un nuage épais obscurcissait l'intérieur de la cabane où un feu pétillant de pain résineux jetait cependant par intervalles des lueurs rougeâtres qui tremblotaient en éclairant par des effets merveilleux de clair-obscur les mâles figures de ces rudes travailleurs des grands bois. Joel Cook était un homme assez mal fait, que l'on appelait assez généralement le bossu sans qu'il s'en formalisât, et qui faisait chantier depuis au moins 40 ans. Il en avait vu toutes les couleurs dans son existence bigarrée et il suffisait de lui faire prendre un petit coup de Jamaïque pour lui délier la langue et lui faire raconter ses exploits. « Je vous disais donc, continua-t-il, que si j'ai été un peu tough dans ma jeunesse, je n'entends plus riser sur les choses de la religion. Je m'en confesse régulièrement tous les ans et ce que je vais vous raconter là se passait au jour de ma jeunesse quand je ne craignais ni Dieu ni diable. » C'était un soir comme celui-ci, la veille du jour de l'an, il y a de cela 34 ou 35 ans. Réunis avec tous mes camarades autour de la cambuse, nous prenions un petit coup. Mais si les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petits verres finissent par vider les grosses cruches, et dans ces temps-là, on buvait plus sec et plus souvent qu'aujourd'hui, et il n'était pas rare de voir finir les fêtes par des coups de poing et des tirages de tignasses. La Jamaïque était bonne, pas meilleure que ce soir, mais elle était bougrement bonne, je vous le persouette. J'en avais bien lampé une douzaine de petits gobelets, pour ma part, et sur les 11 heures, je vous l'avoue franchement, la tête me tournait et je me laissais tomber sur ma robe de carriole pour faire un petit somme en attendant l'heure de sauter à pieds joints par-dessus la tête d'un corps de l'art de la vieille année dans la nouvelle, comme nous allions le faire ce soir sur l'heure de minuit avant d'aller chanter la guignolée et souhaiter la bonne année aux hommes du chantier voisin. Je dormais donc depuis assez longtemps lorsque je me sentis secoué rudement par le boss des piqueurs, Baptiste Durand, qui me dit « Joe! « Minuit vient de sonner et tu es en retard pour le saut du cœur. Les camarades sont partis pour faire leur tournée. Moi, je m'en vais à Lavalterie voir ma blonde. Veux-tu venir avec moi? »« À Lavalterie, lui répondis-je. Es-tu fou? Nous en sommes à plus de 100 lieues et d'ailleurs, aurais-tu 2 mois pour faire le voyage qui aurait pas de chemin de sortie dans la neige? Et puis le travail du lendemain du jour de l'an? »« Animal, répondit mon homme, il ne s'agit pas de cela. » Nous ferons le voyage en canot d'écorce à l'aviron et demain matin à 6 heures, nous serons de retour au chantier. Je comprenais. Mon homme me proposait de courir la chasse-galerie et de risquer mon salut éternel pour le plaisir d'aller embrasser ma blonde au village. C'était raide. Il est bien vrai que j'étais un peu ivrogne et débauché et que la religion ne me fatiguait pas à l'époque, mais risquer de vendre mon homme au diable, ça me surpassait. « Crée pas le mouillé, continua Baptiste. Tu sais bien qu'il n'y a pas de danger. Il s'agit d'aller à Lavalterie et de revenir dans 6 heures. Tu sais bien qu'avec la chasse-galerie, on voyage au moins 50 lieues à l'heure lorsqu'on sait manier l'aviron comme nous. Il s'agit tout simplement de ne pas prononcer le nom du bon Dieu pendant le trajet et de ne pas s'accrocher aux croix des clochers en voyageant. C'est facile à faire. Et pour éviter tout danger, il faut penser à ce qu'on dit, avoir l'œil où l'on va et ne pas prendre de boisson en route. J'ai déjà fait le voyage 5 fois et tu vois bien qu'il ne m'est jamais arrivé malheur. Alors, mon vieux, prends ton courage à 2 mains et si le cœur t'en dit, dans 2 heures de temps, nous serons à Lavalterie. Pense à la petite Lisa Guimbette et au plaisir de l'embrasser. Nous sommes déjà 7 pour faire le voyage, mais il faut être 2, 4, 6 ou 8 et tu seras 8e. tout cela est très bien. Mais il faut faire un serment au diable, et c'est un animal qui n'entend pas à rire lorsqu'on s'engage à lui. Une simple formalité, mon Joe. Il s'agit simplement de ne pas se griser et de faire attention à sa langue et à son aviron. Un homme n'est pas un enfant, que diable! Viens, viens, nos camarades nous attendent dehors et le grand canot de la drave est tout prêt pour le voyage. Je me laissai entraîner hors de la cabane et je vis en effet 6 de nos hommes qui nous attendaient, l'aviron à la main. Le grand canot était sur la neige dans une clairière et avant d'avoir eu le temps de réfléchir, j'étais déjà assis dans le devant, l'aviron pendant sur le plat-bord attendant le signal du départ. J'avoue que j'étais un peu troublé, mais Baptiste, qui passait dans le chantier pour n'être pas allé à la confesse depuis 7 ans, ne me laissa pas le temps de me débrouiller. Il était à l'arrière, debout, et d'une voix vibrante, il nous dit « Répétez avec moi. » Et nous répétâmes « Satan, roi des enfers, nous te promettons de te livrer nos âmes si d'ici à 6 heures nous prononçons le nom de ton maître et du nôtre, le bon Dieu, et si nous touchons une croix dans le voyage. À cette condition, tu nous transporteras à travers les airs au lieu où nous voulons aller et tu nous ramèneras de même au chantier. » Acabris, acabras, acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. À peine avions-nous prononcé les dernières paroles que nous sentîmes le canot s'élever dans l'air à une hauteur de 500 ou 600 pieds. Il me semblait que j'étais léger comme une plume, et au commandement de Baptiste, nous commençâmes à nager comme des possédés que nous étions. Au premier coup d'aviron, le canot s'élança dans l'air comme une flèche, et c'est le cas de le dire, le diable nous emportait. Ça nous en coupait le respire, et le poil en frisait sur nos bonnets de carcajou. Pendant un quart d'heure environ, nous naviguâmes au-dessus de la forêt sans apercevoir autre chose que les bouquets des grands pins noirs. Il faisait une nuit superbe, et la lune, dans son plein, illuminait le firmament comme un beau soleil du midi. Il faisait un froid du tonnerre et nos moustaches étaient couvertes de givre, mais nous étions cependant tous en nage. Ça se comprend aisément puisque c'était le diable qui nous menait. Et je vous assure que ce n'était pas sur le train de la Blanche. Nous aperçûmes bientôt une éclaircie. C'était la Gatineau dont la surface glacée et polie étincelait au-dessous de nous comme un immense miroir. Puis, petit à petit, nous aperçûmes des lumières dans les maisons d'habitants, puis des clochers d'église qui reluisaient comme des baïonnettes de soldats quand ils font l'exercice sur le champ de Mars de Montréal. On passait ces clochers aussi vite qu'on passe les poteaux de télégraphe quand on voyage en chemin de fer. Et nous filions toujours comme tous les diables, passant par-dessus les villages, les forêts, les rivières et laissant derrière nous comme une traînée d'étincelles. C'était Baptiste, le possédé, qui gouvernait, car il connaissait la route et nous arrivâmes bientôt à la rivière des Outaouais qui nous servait de guide pour descendre jusqu'au lac des Deux-Montagnes. « Attendez un peu, » cria Baptiste. « Nous allons raser Montréal et nous allons effrayer les coureux qui sont encore dehors à cette heure-ci. Toi, Joe, là, en avant !» « Éclaircis-toi le gosier et chante-nous une chanson sur l'aviron. » Mon père n'avait fille que moi, canot d'écorce qui va voler. Et dessus la mer, il m'envoie, canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Et dessus la mer, il m'envoie, canot d'écorce qui va voler. Le marinier qui me menait, canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Le marinier qui me menait, canot d'écorce qui va voler. Me dis ma belle, embrassez-moi, canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Me dis ma belle, embrassez-moi, canot d'écorce qui va voler. Canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Non, non, non, non. Oh non, monsieur, je ne saurais, canot d'écorce qui va voler. Car si mon papa le savait, canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Car si mon papa le savait, canot d'écorce qui va voler. Ah, c'est bien sûr qu'il me battrait, canot d'écorce qui vole, canot d'écorce qui va voler. Bien qu'il fût près de 2 heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer, mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil, nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs, et alors je commençais à compter les clochers. La Longue Pointe, la Pointe aux Trembles, Repentigny, Saint-Sulpice et enfin les 2 flèches argentées de la Valtrie qui dominaient le vert sommet des grands pins du domaine. « Attention, vous autres !» nous cria Baptiste. « Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain, Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage. » Qui fut dit fut fait. Et 5 minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean Gabriel. Et nous partîmes tous les 8 à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il n'y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au califourchon. Baptiste, qui était plus effronté que les autres, s'en alla frapper à la porte de la maison de son parrain où l'on apercevait encore de la lumière. Mais il n'y trouva qu'une fille engagère qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snack chez le père Robillard, mais que les pharaons et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Bette-Sept Auger, à la petite misère en bas de contre-cœur de l'autre côté du fleuve, où il y avait un rigodon du jour de l'an. « Allons au rigodon chez Bette-Sept Auger, » nous dit Baptiste. « On est certain d'y rencontrer nos blondes. »« Allons chez Bette-Sept. » Et nous retournâmes au cadeau, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de trop, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant 6 heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajoux, et le diable nous emportait au fin fond des enfers. « Acabris, sacabras, sacabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes !» cria de nouveau Baptiste. Et nous revoilà partis pour la petite misère, en naviguant en l'air comme des renégats que nous étions tous. En 2 tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez Bette-Sept Auger, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement au dehors les sons du violon et les éclats de rire des danseurs dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre. Nous cachâmes notre canot dans le tas de bourdillons qui bordait la rive, car la glace avait refoulé cette année-là. « Maintenant, » nous répéta Baptiste, « pas de bêtises, les amis, et attention à vos paroles. » Dansons comme des perdus, mais pas un seul verre de Molson ni de Jamaïque, vous m'entendez? Et au premier signe, suivez-moi tous, car il faudra repartir sans attirer l'attention. Et nous allâmes frapper à la porte. Le père Bette-Sept vint ouvrir lui-même et nous fûmes reçus à bras ouverts par les invités que nous connaissions presque tous. Nous fûmes d'abord assaillis de questions. D'où venez-vous? Je vous courais dans les chantiers. Vous arrivez bien tard. Venez prendre une larme. Ce fut encore Baptiste qui nous tira d'affaire en prenant la parole. « D'abord, laissez-nous nous décapoter, et puis ensuite, laissez-nous danser. Nous sommes venus exprès pour ça. Demain matin, je répondrai à toutes vos questions, et nous vous raconterons tout ce que vous voudrez. » Pour moi, j'avais déjà reluqué Lisa Guimbette qui était faraudée par le petit bois joli de la Nalais. Je m'approchais d'elle pour la saluer et pour lui demander l'avantage de la prochaine qui était un rire à 4. Elle accepta avec un sourire qui me fit oublier que j'avais risqué le salut de mon âme pour avoir le plaisir de me trémousser et de battre des ailes de pigeon en sa compagnie. Pendant 2 heures de temps, une danse n'attendait pas l'autre, et ce n'est pas pour me vanter que je vous dis que dans ce temps-là, il n'y avait pas mon pareil à 10 lieues à la ronde pour la gigue simple ou la voleuse. Mes camarades de leur côté s'amusaient comme des lurons, et tout ce que je puis vous dire, c'est que les garçons d'habitants étaient fatigués de nous autres lorsque 4 heures sonnèrent à la pendule. J'avais cru apercevoir Baptiste Durand qui s'approchait du buffet où les hommes prenaient des nippes de whisky blanc de temps en temps, mais j'étais tellement occupé avec ma partenaire que je n'y portais pas beaucoup d'attention. Mais maintenant que l'heure de remonter en canot était arrivée, je vis clairement que Baptiste avait pris un coup de trop. et je fus obligé d'aller le prendre par le bras pour le faire sortir avec moi en faisant signe aux autres de se préparer à nous suivre sans attirer l'attention des danseurs. Nous sortîmes donc les uns après les autres sans faire semblant de rien, et 5 minutes plus tard, nous étions remontés en canot après avoir quitté le bal comme des sauvages, sans dire bonjour à personne. Pas même à Lisa que j'avais invité pour danser un foin. J'ai toujours pensé que c'était cela qui l'avait décidé à me trigauder et à épouser le petit bois joli sans même m'inviter à ses noces, la bougresse. Mais pour revenir à notre canot, je vous avoue que nous étions rudement embêtés de voir que Baptiste Durand avait bu un coup, car c'était lui qui nous gouvernait et nous n'avions juste que le temps de revenir au chantier pour 6 heures du matin, avant le réveil des hommes qui ne travaillaient pas le jour de l'an. La lune était disparue et il ne faisait plus aussi clair qu'auparavant, et ce n'est pas sans crainte que je pris ma position à l'avant du canot, bien décidé à avoir l'œil sur la route que nous allions suivre. Avant de nous enlever dans les airs, je me retournai et je dis à Baptiste « Attention là, mon vieux, pique tout droit sur la montagne de Montréal, aussitôt que tu pourras l'apercevoir. » « Je connais mon affaire, » répliqua Baptiste, « et mêle-toi des tiennes. » Et avant que j'aie eu le temps de répliquer « Acabris, acabras, acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. » Et nous voilà repartis à toute vitesse. Mais il devint aussitôt évident que notre pilote n'avait plus la main aussi sûre, car le canot décrivait des zigzags inquiétants. Nous ne passâmes pas à 100 pieds du clocher de contre-cœur et au lieu de nous diriger à l'ouest, vers Montréal, Baptiste nous fit prendre les bordées vers la rivière Richelieu. Quelques instants plus tard, nous passâmes par-dessus la montagne de Belœil et il ne s'en manqua pas de 10 pieds que l'avant du canot n'alla se briser sur la grande croix de tempérance que l'évêque de Québec avait plantée là. « À droite, Baptiste! À droite, mon vieux, car tu vas nous envoyer chez le diable si tu ne gouvernes pas mieux que ça! » Et Baptiste fit instinctivement tourner le canot vers la droite en mettant le cap sur la montagne de Montréal que nous apercevions déjà dans le lointain. J'avoue que la peur commençait à me tortiller, car si Baptiste continuait à nous conduire de travers, nous étions flambés comme des golets qu'on grille après la boucherie. Et je vous assure que la dégringolade ne se fit pas attendre, car au moment où nous passions au-dessus de Montréal, Baptiste nous fit prendre une chire et avant d'avoir eu le temps de m'y préparer, le canot s'enfonçait dans un banc de neige dans une éclaircie sur le flanc de la montagne. Heureusement que c'était dans la neige molle, que personne n'attrapa de mal et que le canot ne fut pas brisé. Mais à peine étions-nous sortis de la neige que voilà Baptiste qui commence à sacrer comme un possédé et qui déclare qu'avant de repartir pour la Gatineau, il veut descendre en ville prendre un verre. J'essayais de raisonner avec lui, mais allez donc faire entendre raison à un ivrogne qui veut se mouiller la luette. Alors, rendu à bout de patience, et plutôt que de laisser nos âmes au diable qui se léchait déjà les babines en nous voyant dans l'embarras, je dis un mot à mes autres compagnons qui avaient aussi peur que moi, et nous nous jetons tous sur Baptiste que nous terrassons, sans lui faire de mal, et que nous plaçons ensuite au fond du canot après l'avoir ligoté comme un bout de saucisse et lui avoir mis un baillon pour l'empêcher de prononcer des paroles dangereuses lorsque nous serions en l'air. Et, acabris, acabras, acabram, nous voilà partis sur un train de tous les diables car nous n'avions plus qu'une heure pour nous rendre au chantier de la Gatineau. C'est moi qui gouvernais cette fois-là et je vous assure que j'avais l'œil ouvert et le bras solide. Nous remontâmes la rivière Outaouais comme une poussière jusqu'à la porte à Gatineau, et de là nous piquâmes au nord vers le chantier. Nous n'en étions plus qu'à quelques lieues, quand vlottit pas cet animal de Baptiste qui se détortille la corde avec laquelle nous l'avions ficelé, qui s'arrache son baillon et qui se lève tout droit dans le canot en lâchant un sacre qui me fit frémir jusque dans la pointe des cheveux. Impossible de lutter contre lui dans le canot sans courir le risque de tomber d'une hauteur de 200 ou 300 pieds, et l'animal gesticulait comme un perdu en nous menaçant tous de son aviron qu'il avait saisi et qui faisait tournoyer sous nos têtes en faisant le moulinet comme un Irlandais avec son chelé. La position était terrible, comme vous le comprenez bien. Heureusement que nous arrivions, mais j'étais tellement excité que par une fausse manœuvre que je fis pour éviter l'aviron de Baptiste, le canot heurta la tête d'un gros pin et que nous voilà tous précipités en bas, dégringolant de branche en branche comme des perdrix que l'on tue dans les épinettes. Je ne sais pas combien je mis de temps à descendre jusqu'en bas, car je perdis connaissance avant d'arriver. Et mon dernier souvenir était comme celui d'un homme qui rêve qu'il tombe dans un puits qui n'a pas de fond. Vers les 8 heures du matin, je m'éveillai dans mon lit dans la cabane, où nous avaient transportés des bûcherons qui nous avaient trouvés sans connaissance, enfoncés jusqu'au cou dans un banc de neige du voisinage. Heureusement que personne ne s'était cassé les reins. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que j'avais les côtes sur le long comme un homme qui a couché sur les ravalements pendant toute une semaine, sans parler d'une black eye et de deux ou trois déchirures sous les mains et dans la figure. Enfin, le principal, c'est que le diable ne nous avait pas tous emportés, et je n'ai pas besoin de vous dire que je ne m'empressais pas de démentir ceux qui prétendaient qu'ils m'avaient trouvé avec Baptiste et les six autres, tous sous comme des griffes et en train de cuver notre Jamaïque dans un banc de neige des environs. C'était déjà pas si beau d'avoir risqué de vendre son âme au diable pour s'en vanter parmi les camarades. Et ce n'est que bien des années plus tard que je racontais l'histoire telle qu'elle m'était arrivée. Tout ce que je puis vous dire, mes amis, c'est que ce n'est pas si drôle qu'on le pense que d'aller voir sa blonde en canot d'écorce en plein cœur d'hiver en courant la chasse-galerie. Surtout si vous avez un maudit ivrogne qui se mêle de gouverner. Si vous m'en croyez, vous attendrez à l'été prochain pour aller embrasser vos petits cœurs, sans courir le risque de voyager aux dépens du diable. Et Joe le Cook plongea sa micouane dans la mélasse bouillonnante aux reflets dorés et déclara que la tire était cuite à point et qu'il n'y avait plus qu'à les tirer.